Chapitre 15. Il nous faut retourner de 4 mois dans le passé et revenir à New York, chez Jacques Garreau, ou plutôt chez Paul Armand. L'ex-contremaître atteignait sa 53e année. Sa fille, Marie, qui l'enveloppait d'une tendresse immense, avait 18 ans. C'était une jeune fille blonde, délicieusement jolie, mais la pâleur nacrée de ses joues, le cercle d'azur tracé autour de ses paupières, pouvait faire craindre qu'elle ne portât en son sein le germe de la maladie de poitrine qui avait tué sa mère, dont elle semblait le portrait vivant. L'ascendant de Marie sur son père était sans bornes. Il lui suffisait de vouloir pour être obéie. Or, elle voulait souvent. Au moment où nous la présentons à nos lecteurs, elle était avec son père en compagnie d'Ovide Soliveau. Tout à coup, interrompant sans façon les deux hommes qui causaient des affaires de l'usine, Marie dit « Père, à combien se monte le chiffre de ta fortune ?» En entendant cette question, les deux prétendus cousins échangèrent un regard de surprise. Marie attendit une seconde, puis reprit avec impatience. « Pourquoi ne me réponds-tu pas ?»« Mais pourquoi désires-tu savoir cela ?» hasarda Jacques. « Pourquoi ? Parce que je le veux. Eh bien, mon enfant, je possède, nous possédons en ce moment, près de 100 000 livres de rente. » Ce qui fait un capital d'environ 10 millions. L'usine est-elle comptée là-dedans ? Non. Que peut-elle valoir ? 1 million. J'aurai acquéreur à ce prix. Eh bien, il faut la vendre. Tu veux que je vende mon usine ? S'écria Jacques. La jeune fille sourit en voyant les visages de ses auditeurs, que la stupéfaction rendait comique, et poursuivit. Je t'engage même à vendre le plus tôt possible. J'ai un projet qui ne peut se remettre. Et ce projet ? C'est d'aller nous fixer en France. Les deux hommes sentirent un petit frisson passer sur leur épiderme. En France, répétèrent-ils à la fois ? Eh oui, sans doute en France, le pays de mon père. « Votre pays, cousin Ovide. Sans la connaître, j'adore la France. Je veux la voir. Je veux y vivre et je veux y mourir. »« Que parles-tu de mourir, mignonne ?» s'écria Jacques. « Oh, je n'en ai pas envie. Tu peux le croire, » fit la jeune fille en riant. « Je n'en ai pas envie, au contraire. Ici, je mourrai jeune, car je m'ennuie. L'Amérique m'est odieuse. Paris m'attire. Paris, la ville des merveilles. Mais ma chère enfant, rien ne nous empêche d'aller en France, à Paris, et rester 2 ou 3 mois. « Oh non, non, pas cela !» fit impétueusement Marie. « Je veux que tu réalises ta fortune et que nous partions pour la France sans esprit de retour. » Ovide Soliveau intervint. « Vendre cette usine, » dit-il d'un ton maussade, « quitter l'Amérique, mais c'est absurde, c'est insensé. Libre à vous, cousin, de penser ainsi. Vous êtes maître absolu de rester à New York. Je ne tiens pas à vous emmener. Mais moi, je veux partir. Si je ne partais pas, je mourrais. » « Encore ? » murmura le père attristé. « Que se passe-t-il donc dans ton esprit ce matin ?» pour avoir des idées si sombres. « Je ne sais pas, l'ennui m'étouffe, il me tue, voilà tout. » Et Marie éclata en sanglots. Garreau la prit dans ses bras. « Calme-toi, cher enfant, » balbutia-t-il d'une voix brisée. « Nous irons en France, mais à Paris, que ferons-nous ? Nous vivrons comme ta grande fortune nous permet de vivre. Nous aurons un hôtel, nous irons au spectacle, nous recevrons. Mais bientôt nous serons las de cette vie d'agitation. Il me manquera à moi le travail, l'activité. Le travail, vois-tu, c'est ma vie. » « Eh bien, qu'est-ce qui t'empêche de vendre ton usine ici et d'en monter en France une autre toute pareille ? Tu es le plus grand mécanicien et l'un des premiers inventeurs des États-Unis. Je voudrais te voir prendre dans ton pays natal une position pareille. Ta renommée te suivra là-bas et tu seras bientôt en France aussi célèbre qu'en Amérique. » Jacques Garreau écoutait, les sourcils froncés. « Tu installeras en France une usine magnifique, aussi grande que celle de New York. Tu exploiteras ta nouvelle invention des freins instantanés pour les chemins de fer. » Elle fera fureur. Voyons, c'est décidé, n'est-ce pas ? Le temps de vendre, ce qui sera vite fait, puisque tu as déjà des offres et nous partons. Vous viendrez avec nous, cousin Ovide ? Nous verrons, répondit Ovide en ricanant. À votre aise. Je vois à votre air que vous allez mettre tout en œuvre pour empêcher mon père de faire ce que je désire, et cependant, malgré vous, cela se fera. Je veux aller en France. L'air de la France est nécessaire à ma vie, et si mon père refusait de m'y conduire, je mourrais. Vous voyez bien qu'il ne le refusera pas. Nous partirons dans 1 semaine. » Et la jeune fille, énervée par la contradiction, quitta vivement la salle à manger pour laisser couler les larmes qui montaient à ses yeux. Paul Armand resta seul avec Ovide. « Tu as l'intention d'obéir à ce caprice ?» demanda ce dernier. « Et le moyen de n'y pas obéir ? Tu as bien entendu. Elle tomberait malade, elle mourrait. »« Oh, père inepte !» s'écria Ovide en haussant les épaules. « Ta fille peut se vanter de te conduire par le bout du nez. »« Mais Marie a raison, » répliqua Jacques. « J'ai assez fait pour l'Amérique. » Nous irons en France. Davidson m'a proposé un acquéreur sérieux. Je vais aller de ce pas céder l'usine, pour le prix qu'on m'en offre. J'aurais à te parler, cousin, dit brusquement Ovid. Eh bien, parle. Non, pas ici. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai à te dire ne doit être entendu de personne, fit Ovid en baissant la voix. Les prétendus cousins se rendirent dans le cabinet de travail de Jacques, qui dit alors « Nous voilà seuls, maintenant parle. »« Causons, reprit Ovid, tu es bien décidé à quitter l'Amérique ?»« J'y suis décidé, oui. »« C'est parfait. Et qu'est-ce que tu vas faire de moi ?»« Tu viendras avec nous. »« Je n'ai aucune envie de retourner dans un pays où je pourrais avoir des ennuis avec une justice chatouilleuse. » »« Tu veux parler sans doute du mandat d'amener lancé contre toi jadis ?»« Tu n'as rien à craindre. Il y a plus que prescription. On ne peut t'inquiéter. » Je le sais, mais je préfère rester en Amérique. Et rien ne t'empêche d'y rester. J'imposerai ton engagement à mon acquéreur. Tu auras de bons appointements et 10% pour les affaires. Cela te convient-il ? Non, répondit Ovid en roulant une cigarette. Alors que veux-tu ? T'acheter ton usine. Diable, je te croyais sans le sou en te voyant chaque jour faire appel à ma caisse pour tes dettes de jeu. Et à t'entendre, il paraît que loin d'être à sec, tu as mis de côté la jolie somme d'1 million. Mais compliment, cousin. Je n'ai pas un sou de côté. J'ai encore perdu hier soir 200 $ que tu me donneras tout à l'heure, et cependant je t'achète ton usine. Je demande le mot de l'énigme. Il n'y a là aucune énigme. Nous rédigerons un acte de vente. Tu me signeras une quittance d'1 million, et tu me remettras 40 000 $ comme fonds de roulement. C'est là le prix que je mets à mon silence. Jacques se dressa comme mu par un ressort. Ton silence, s'écria-t-il. Qu'ai-je besoin de ton silence ? Je n'ai rien à cacher, moi, je ne crains rien. Cherche bien, et tu verras que ton retour en France n'est possible qu'à la condition que je me tairai. Que veux-tu dire ? Que Jacques Garraud, s'il était connu, aurait grand tort de retourner dans le pays témoin de ses exploits. En entendant à l'improviste ce nom de Jacques Garraud, l'ex-contremaître s'élança sur Ovid. Quel nom viens-tu de prononcer ? S'écria-t-il. Le tien, parbleu, répondit Ovid, sans se décontenancer. Allons, cousin, de contrebande, barre les masques. Tu t'appelles Jacques Garraud, tu as incendié l'usine d'Alfortville, et tu as volé et assassiné ton patron, l'ingénieur Labroux. Après ces gentillesses, tu t'es créé une individualité nouvelle, en te servant d'un livret tombé entre tes mains, et en te glissant dans la peau de Paul Armand, mort à l'hôpital de Genève, le 15 avril 1856. Jacques, terrifié, recula, chancelant comme un homme ivre. Sur quoi t'appuies-tu ? Demanda-t-il d'une voix étranglée. Mais sur l'acte de décès du cousin Paul Armand. Mensonge. « Allons, mon vieux, ne fais pas la bête. Je sais tout, tu entends ? Tout. Mais tu pourras aller en France sans inconvénient, pourvu que je garde le silence. Car alors personne ne se doutera que tu as commis une ribambelle de crimes et laissé condamner à ta place la malheureuse Jeanne Fortier. »« J'y peux aller quand même, » répliqua Tinton cynique, l'ex-contremaître, reprenant son sang-froid. « Qu'ai-je à craindre de la justice ? Il y a prescription. »« Tu hurles, tutu, » répondit Ovid en riant. « Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mon vieux. » Il y a prescription pour l'incendie, pour le vol, pour l'assassinat, d'accord, mais seulement pour l'usurpation du nom de Paul Armand, qu'une plainte accompagnée de preuves arrive au parquet t'accusant de porter un nom qui ne t'appartient pas, et tu verras tout aussitôt la justice s'occuper de toi, de ton présent et de ton passé. Et tu porterais cette plainte ? Demanda Jacques frémissant. Ça dépend. Oui, si tu n'es pas gentil. Non, si tu fais ce que j'attends de toi. Crois-moi, ma vieille, ne regarde pas à payer mon dévouement et ma discrétion. Je veux devenir patron à mon tour. Ainsi donc, donne-moi l'usine et 40 000 $ de fonds de roulement. Sinon, je dis à qui veut l'entendre que Paul Armand, jouissant ici de l'estime universelle, n'est qu'un joli gredin qui se nomme Jacques Garraud. Et après l'avoir dit, je le prouve. C'est ça qui fera plaisir à ta fille. Jacques s'était levé. Il marcha sur Ovid menaçant. « Et si je te tuais ? » fit-il d'une voix sifflante. Ovid se mit à rire. « Ça ne te servira pas à grand-chose, » répliqua-t-il. « Mon testament est déposé chez un solid store de New York. Il contient ta biographie avec pièces à l'appui. Je ne serai pas plutôt mort qu'on saurait qui tu es. »« Ah ! » cria Jacques avec désespoir. « Tu me tiens. Parbleu, chacun son tour, cousin. Que décides-tu » L'ex-contremaître prit brusquement son parti. « Viens avec moi chez mon banquier. Dans une heure, l'usine t'appartiendra et tu toucheras 40 000 $. Bravo, cousin, tu agis en sage. » Le soir même, l'usine était la propriété de Vide. 8 jours après, Paul Armand et Marie s'embarquèrent pour la France, et avant la fin du mois, tous deux étaient installés dans un joli hôtel voisin du parc Monceau. L'ex-associé de James Mortimer avait de nombreuses relations d'affaires à Paris, avec des banquiers et de grands industriels. Ce fut un événement quand on apprit qu'il se proposait de construire une usine grandiose, aux environs de Paris, pour y exploiter les inventions qui l'auraient rendu riche et célèbre en Amérique. Jacques Garot trouva sur le bord de la Seine, à Courbevoie, 10 000 mètres de terrain qui lui convenait à merveille, et qu'il acheta sans tarder. Déjà, il s'occupait d'établir les plans des constructions futures, quand un procès fut intenté à propos d'un droit de passage. Pour sortir au plus vite de ce procès qui entravait tout, il fallait un bon avocat, capable de mener rondement les choses. Jacques s'adressa au banquier détenteur de ses capitaux et lui demanda un conseil. Le banquier répondit « Pour plaider une affaire de servitude, vous avez besoin d'un garçon actif, intelligent, instruit. Je puis vous recommander un jeune homme dont le zèle et le talent m'ont été plusieurs fois très utiles. Voici son adresse. » Le banquier écrivit sur un carré de papier « Georges Darrier, avocat, rue Bonaparte, numéro 19. »« Grand merci, » dit Jacques. « J'y vais de ce pas. » Georges, l'enfant d'adoption de Madame Clarisse Darrier, confié par le curé Laugier au peintre Étienne Castel, avait fait son chemin et réalisé les espérances que ses aptitudes permettaient de concevoir. Dans quelques mois, il allait atteindre sa 25e année. C'était un beau garçon. Inscrit depuis 2 ans au tableau des avocats du barreau de Paris, il avait déjà fait ses preuves. Il habitait un appartement au second étage de la maison portant le numéro 19 de la rue Bonaparte. Dans son cabinet de travail, meublé en chêne sculpté, 2 objets formaient disparates avec le luxe sévère de l'ensemble. C'était d'abord une petite bibliothèque d'acajou pleine de livres, souvenir du bon curé Laugier. C'était ensuite dans un angle une colonne en ébène supportant un petit cheval de bois et de carton, recouvert d'un crêpe noir. Georges conservait cet humble jouet comme une relique, le croyant un cadeau de sa mère Clarisse Darrier. Le jeune homme étudiait un dossier volumineux au moment où sa domestique lui apporta la carte de Paul Armand. « Faites entrer, dit-il. » Jacques Garot franchit le seuil du cabinet. Georges quitta son siège et fit 2 pas au-devant de lui. Après 21 ans écoulés, le misérable, cause de tous les malheurs de Jeanne Fortier, se trouvait en présence du fils de sa victime. L'incendiaire d'Alfortville, l'assassin de M. Labroux, avait 50 ans. Ses cheveux, qu'il ne teignait plus, étaient blancs. Âgé seulement de 3 ans et demi, à l'époque des événements dramatiques, formant en quelque sorte le prologue de ce récit, Georges ne pouvait garder aucun souvenir de la physionomie du contremaître. Le faux Paul Armand prit la parole pour se présenter et exposer son affaire, puis produisit une copie de son acte d'acquisition. Georges lut avec attention cet acte et dit « Vous êtes absolument dans votre droit, monsieur. Si vous faites un procès, vous le gagnerez. Alors vous vous chargez de mon affaire ? De grand cœur. J'aurai besoin d'un pouvoir. Veuillez le préparer. Je vais le remplir. Dictez-moi vos noms, prénoms, qualités. Paul Alexandre Armand, propriétaire, ingénieur mécanicien, demeurant à Paris, rue Murillo, numéro 27. Je vais agir immédiatement, dit l'avocat, et je vous tiendrai au courant. Vous aurez bientôt une lettre de moi. S'il vous convenait de m'apporter vous-même des nouvelles, je serais heureux de vous recevoir. Et moi, monsieur, je serais heureux de profiter de votre gracieuse invitation. Au bout d'un mois, les adversaires de Paul Armand se désistaient d'un procès qu'ils étaient sûrs de perdre, et les travaux de construction commençaient. Georges était venu 2 fois rue Murillo le matin trouver son client, et il avait été reçu de la manière la plus amicale par le père et par la fille. La vie active que menait Jacques Garot, surveillant lui-même ses entreprises, le retenait loin de chez lui pendant la plus grande partie de la journée, et Marie restait à l'hôtel, où d'ailleurs elle ne s'ennuyait point, ayant pour amis les filles de tous les banquiers et de tous les industriels que connaissait son père. L'air de Paris ne semblait cependant point favorable à la jeune fille. Maintenant, une tache de carmin tranchait sur la pâleur nacrée des joues de Marie. Une petite toux sèche, opiniâtre, s'échappait à chaque instant de sa gorge. Jacques avait fait appeler un médecin qui prononça des paroles rassurantes et ordonna un traitement. La jeune fille aimait la toilette et elle avait fait le choix d'une des meilleures couturières de Paris. Madame Augustine possédait une clientèle très étendue dans le monde aristocratique, dans le monde artistique et dans le monde de la finance. Quoique ses ateliers de la rue Saint-Honoré fussent vastes, Madame Augustine, pour arriver à satisfaire ses clientes, était obligée d'adjoindre à son personnel des ouvrières travaillant au dehors. L'une de ces ouvrières, libre, était sa préférée. Elle eût désiré vivement l'attirer auprès d'elle. Mais Lucie, c'était le nom de la jeune fille, voulait ne point quitter sa chambrette, située au plus haut étage de l'une des maisons du Quai Bourbon, dans l'île Saint-Louis. Lucie avait 22 ans et demi. Jamais plus fine, plus jolie tête de grisette parisienne, n'avait couronné corps plus charmant. Ses cheveux étaient d'un châtain doré, avec des yeux d'un bleu sombre et très doux. La favorite de Madame Augustine était aimée et respectée de tous. Aimée parce qu'elle était bonne et serviable. Respectée parce que les langues les plus malfaisantes n'avaient pas pu émettre un soupçon, au sujet de sa conduite, mais on lui supposait un fiancé, son voisin, le dessinateur Lucien Labroux.